Prose de Pierre par Éric Carassime. De même que la pluie se lamente sur une île qu'aucun flot ne pourra submerger, ce corps d'écume emporté par les courants, le désir subtil a veillé toute la nuit. Sérénité certaine d'un regard particulier sur le monde, les vagues terrains de la ville nous éclairent sur notre propre solitude. L'artiste parfois, dans cette mise en lui-même, et juste ce qu'il ne dit pas, en de multiples façons, m'invite à épouser son silence. Comblé de mythes au mystère de la langue, l'énigme de l'effacement, parcourir les vides aéronautiques. Les feuilles perséides, embrumées d'une rosée d'étoiles, en amont du coteau, là où s'abreuve la vigne, s'agrippe de toutes parts au tanin des rochers. Perdu patiemment dans l'érosion des graves, bercé par le tumulte des goûts subtils et discrets, des effluves charnus s'échappant des caveaux, teindre de vin pourpre les murs de l'ermitage et vendanger de nuit les grappes égarées, jusqu'aux premières lueurs d'un matin de Bourgogne. L'effluve des astres. Sur ta peau brunie par l'étrange nébuleuse, j'énumère une à une les discrètes constellations qui me guident vers tes reliefs à gravir, tes monts dénudés. J'entrevois alors la veine lunaire d'où jaillissent les raisons obscures de tes nuits débridées. À force de recueillir tes paroles, je me suis éconduit dans ces terres ravinées par trop de tendresse. Emporté par le courant de tes confidences intimes qui ravivent les chemins de nos marches nouvelles vers de suaves géographies, j'écoute le silence de ta bouche inconnue, d'où s'écoule ce murmure premier expirant vers l'étoile d'un soir. Des flammes certaines demeurées silencieuses au regard d'une lumière plus brillante et plus pure se reportent de la sorte à travers la voûte en premier lieu des expériences heureuses. Mélange de beauté d'un genre nouveau, sur les mots se jettent les sorts qui s'en éloignent. Résonne alors une harmonie médiane dépourvu de possible. Décupler les honneurs malveillants, l'opprobre désirable des faveurs infamantes, aux promesses de l'emprise qui s'accorde, faute de quoi, pareille qualité à l'égard d'Eros, n'est conforme au discours du premier fou venu. Il se rince la bouche de mots futiles et agréable. Renoncement au monde du pire et du meilleur, magnifique espérance précisément, et maintenant une autre cause, démontre les préjugés en l'absence de menaces. Seul problème s'élevant en spirale, parole minimaliste et mépris de classe, présomption du coupable, silence radio, consentir et se taire en figure imposée. Il y a quelque chose de sublime à contempler ce séisme, à la fois de la vue et de l'ouïe. C'est là, nous semble-t-il, de savoir en plaisir quelque chose de commun, puissance qui passe. Homer possédé en train de pleurer, en une lente rhapsodie. Lamentation d'autrefois, les avis sont partagés. Violence retenue, de magnitude 5, à mesure que le temps avance sur la mer Égée. Partager la campagne et séduire la clientèle, goûter au grand plongeon dans les chambres des églises, les effluves culinaires à partir de la butte nous immergent dans les carreaux des nappes Vichy. Rendez-vous des homards, des pigeons de rôtissoire. Le chef Jean Bonneau et les poulets fermiers passent pour des côtes à l'os cuisinées sous vide, à partir du moment où c'est dans la boîte. Craquement des planchers, odeur de térébenthine, rupture du temps. Déconstruire les chevalets en l'absence des peintres, modeler les corps des sculpteurs sans plâtre. Passage de la lumière à travers les vitres ouvertes sur l'atelier sans nom. Brouhaha, brouhaha, ramdam des accrochages collectifs, des natures mortes de pacotilles. Briser les modèles vivants et la sainte victoire. Éponger les paysages et parler d'une seule voix. Lente pousse des couleurs sur la palette. Adoucir le blanc de ses ruses et le jaune cadmium. Parcourir en amont la rivière assoiffée en ses méandres de galets et recueillir les quelques gouttes perlant à la surface des pierrailles qui viendront abreuver en son lit le fleuve meurtri à jamais. Ici se termine Prose de Pierre par Eric Arasim. Illustration musicale de Pascal Mancarelli. Enregistré par Christiane Jehan sous licence CC BY NC ND.